enfant, apprivoiser sa mère et ce monde si grand où on joue à la guerre riant, sans raison de plaisir innocent. Un homme, rechercher la lumière, une pensée sans dogme, qui se veut libertaire, coupable d'être né de sexe et d'amour. Plus rien à l'aurore, adieu le soleil.